Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fadjet 94.2 FM pour écouter l'émission Histoire d'en parler. Je suis avec Antoine et Stanislas, bonjour les deux garçons. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, alors aujourd'hui vous allez nous parler tous les deux de deux chroniques, puisque vous le savez très bien, l'émission Histoire d'en parler va revenir sur des événements historiques très connus. Alors, avec toi Stanislas, nous allons parler de la carrière d'Angela Merkel, la chancelière allemande. Une des femmes en Europe qui a la plus longue carrière politique, oui, c'est ça. Et qui en plus est des plus influentes. Absolument, oui. Et avec toi Antoine, nous allons parler de... De mon côté, ça sera un petit retour sur la chaîne de télévision qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Arte et qui, à son origine justement, aujourd'hui on connaît surtout sa forme franco-allemande, mais à son origine c'était déjà une volonté... Chaîne européenne. De faire rayonner culturellement l'Europe. L'Europe. Eh bien écoutez, on va finir donc cette émission avec... L'actu historique, et moi je vous emmènerai donc en Asie du Sud-Est, au Cambodge. Ensuite on ira faire un petit tour par l'Égypte. Et enfin nous allons terminer sur la tradition des carnavals. Alors si vous êtes prêts, bienvenue sur Radio Fadjet, c'est l'émission Histoire d'en parler. Et c'est avec toi Stanislas que nous allons commencer. Alors raconte-nous un peu plus sur Angela Merkel. Alors Angela Merkel, déjà c'est un vaste sujet, c'est maintenant aujourd'hui en tout cas c'est un nom qui pour nous parle beaucoup. Je pense que ça, elle a dû avoir du mal déjà à se faire respecter en tant que femme dans un univers politique. Moi ça me force toujours le respect, un univers politique évidemment clairement masculin. Elle a été la première chancelière femme, elle a été la plus jeune chancelière en Allemagne, et je pense qu'on va parler d'ère Merkel, ou en tout cas de merkelisme, un peu comme on peut parler de Thatcher, ou de thatcherisme pour le Royaume-Uni. Là, elle a annoncé sa retraite pour l'année 2019. Non, pardon. Elle a annoncé sa retraite pour l'année 2021, donc elle ne se représentera pas à la tête de la chancellerie allemande. Il faudrait peut-être laisser place aux jeunes, moi je dis. Elle a été la plus jeune chancelière d'Allemagne, justement. Je pense que elle a marqué son époque. Je pense que les autres vont devoir s'inspirer de ses succès en politique pour pouvoir occuper la chancellerie. Mais ça n'appartient qu'à l'avenir. Moi, en tout cas, je suis là pour vous parler du passé. Et j'ai été assez surpris d'apprendre que elle a déjà une histoire très allemande, elle naît en 1954 à Hambourg. Elle naît en Allemagne de l'Ouest, puisque Hambourg, donc, c'est dans la partie fédérale d'Allemagne. Et sa famille part dans la même année en Allemagne de l'Est. Donc elle a été dès son enfance en fait dans une famille très ouverte qui aura eu des deux côtés de la frontière, des deux côtés de la séparation, donc occidentale et soviétique, des liens et une histoire. Et ça c'est clair que ça l'a marqué, puisqu'elle aura à se battre toute sa vie pour se faire accepter, que ce soit donc dans la République démocratique d'Allemagne, le côté Est, et ensuite elle aura à se justifier de cela pendant sa carrière politique. Donc elle se bat, c'est un esprit brillant clairement, elle étudie la physique, elle devient doctorante en chimie quantique en 1986, rien que ça. Donc c'est non seulement une scientifique, une chercheuse, mais c'est aussi quelqu'un qui s'ouvre à d'autres horizons, qui aura eu l'occasion une fois durant sa jeunesse de lire un pamphlet d'un auteur qui n'est pas accepté par la République démocratique, donc par le régime soviétique, pardon. Et on lui reprochera ça, et ça, ça va la pénaliser lorsqu'elle voudra se lancer au tout début de sa carrière politique. Ouais. Elle commence donc sa carrière en politique en 1989. Elle est dans un bureau politique, elle est simili-attachée de presse, elle prépare des tracts politiques, et elle entre dans la formation chrétienne-démocrate en août 90. Donc on est quand même quelques mois avant la chute du mur, c'est en novembre 1991, en plus la réunification, pardon, on est quelques mois après la chute du mur, et il y aura encore un peu plus d'un an avant que l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest se réunifient. Donc elle est au courant de ça, elle arrive en politique en même instant, c'est assez dingue à imaginer, et elle est ministre dès 1991, elle est ministre fédérale des femmes et de la jeunesse justement, entre 1991 et 1994. Puis elle occupe un poste de présidente dans la région du Mecklembourg-Poméranie occidentale, et elle va arriver au ministère fédéral de l'environnement, donc elle est dans la tête de liste en 1994, environnement, protection de la nature et de la sécurité nucléaire. Donc c'est un grand travail, grand projet. J'ai passer vraiment du ministère de la femme à ce ministère-là. Complètement. Ça doit changer, ça doit la chambouler. C'est clair. C'est plus en lien avec ses études, on va dire, mais ça reste un gros changement et je pense pas qu'on ait la facilité à changer de poste comme ça en politique et à être à l'aise sur autant de sujets. Donc elle va même organiser la toute première conférence des différentes parties sur la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Oh. C'est la toute première à organiser ça à un niveau européen et même à un niveau mondial. Et ça va pas mal lui servir, je pense, puisque c'est en novembre 1998 qu'elle est candidate au poste de secrétaire général de son parti pour justement ensuite se proposer à la présidentielle, pardon, à la chancellerie. Elle recueille 93% d'opinions favorables. Wow. Donc ça fait rêver tous les hommes politiques français d'obtenir un score pareil. Là, surtout avec nos dernières élections présidentielles, on a vu que ça se passait pas du tout comme ça, en tout cas en France. Ça, c'est clair. Et c'est la première fois qu'une femme atteint un tel niveau de responsabilité dans un organe politique, et en particulier celui du Parti chrétien-démocrate. Donc là, elle va pouvoir... Elle n'est pas tout de suite candidate, les élections arrivent, en tout cas les élections européennes arrivent en 2004. Elle va pouvoir jouer un peu au niveau européen, puisqu'elle impose le portugais José Manuel Barroso au choix du futur président de la Commission européenne. Et elle devient chancelière dès 2005, où elle conduit une majorité relative pour son parti. Première femme chancelière d'Allemagne à 51 ans et plus jeune personnalité politique de l'histoire allemande à occuper ce poste. Rien que ça. Je pense que c'est un record qui va faire date. Nous, en tout cas, on est contents. On a Emmanuel Macron. Mais lui, c'est un homme. Il n'a pas la même crédibilité. Quand on compare un peu les deux, Angela, elle a prouvé qu'une femme peut faire le même niveau de responsabilité. Tandis que nous, à côté, on en est encore un peu loin. Je suis pas sûr qu'on puisse avoir une femme présidente en France d'ici tôt. On n'a pas encore, oui, en effet. Mais il y en a quand même qui sont candidates. Par exemple, Marine Le Pen en 2017. Et on a eu Ségolène Royal en 2007. Et il est vrai que, quand même, en Allemagne, ils ont un président, mais lui, il ne fait pratiquement rien. C'est un peu comme le roi, comme la reine en Angleterre. Elle est juste en là Espagne, en ouais. représentation. Oui, c'est sinon, ça. Sinon, c'est la chancellerie, c'est le premier ministre, c'est un peu c'est elle qui fait tout. Exactement, oui, c'est au niveau du Parlement, au niveau du nombre de sièges exprimés, que le parti qui a le plus de sièges obtient donc ce rôle de chancelier. Et C'était la CDU qui avait eu le plus. C'est ça. Au Bundestag, qui est le Parlement allemand. Voilà, exactement. C'est ça. Elle a eu donc à beaucoup négocier. Mm-hmm. Et donc premier mandat, ensuite deuxième mandat où là elle a une cote de popularité de plus de 60%. Donc ça reste encore un record incroyable. Et que nous envions. Ah oui, oui. Pas que nos politiques envient. Oui. Ils ont tous envie, ils n'osent pas le dire. Et pour continuer sur les choses dont ils peuvent avoir envie, mais ils n'osent pas le dire. En novembre 2010, Barack Obama, qui est alors président des États-Unis, lui décerne la médaille présidentielle de la liberté, qui est tout simplement la plus haute décoration civile américaine. Elle est attribuée à des individus et ont contribué à la sécurité ou aux intérêts nationaux des États-Unis, puisqu'elle a beaucoup lié son pays aux guerres qu'il peut y avoir en Irak, en Afghanistan, et en tant qu'alliée dans l'OTAN auprès des États-Unis. Angela Merkel a été très partisane de renforcer ce rôle-là, qui peut paraître polémique à nous, mais en tout cas, clairement, elle, dans sa politique, c'était important de le faire. Oui. On arrive au troisième mandat, et là, clairement, depuis cette période-là, on est en 2014, oui, c'est ça, et elle incarne l'hégémonie allemande sur l'Europe. C'est à ce moment-là où l'Allemagne occupe le rôle de leader dans l'économie européenne, où elle occupe un rôle leader aussi en politique, puisqu'on a parlé de partenariat franco-allemand. Les deux côtés sont un peu les têtes de pont de l'Union européenne. Et bien qu'on essaie de disperser un peu le leadership, l'Allemagne, elle a un rôle incontesté. C'est le pays le plus peuplé, c'est le pays le plus puissant économiquement. Voilà, c'est assez impressionnant à voir. Et elle essaye en tout cas de continuer à jouer de ce rôle en politique pour s'inscrire dans la guerre ukrainienne. C'est elle qui va inciter François Hollande, Poroshenko, président de l'Ukraine, et Vladimir Poutine à un accord de cessez-le-feu. La reconnaissance par l'Ukraine d'un statut particulier au Donbass, donc l'inutilité entre guillemets du conflit armé, et aussi, du coup l'arrêt des combats définitifs. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais elle a eu ce mérite en tout cas de réussir à réunir président français, chancellerie allemande, président ukrainien et président russe à un seul endroit pour discuter. Et on arrive au quatrième mandat où elle finit en demi-teinte son dernier. Elle est un peu critiquée puisque c'est à l'époque où il y a un attentat à Berlin en 2016. Et elle va recevoir de vives critiques. On dira même que ce sont les morts de Merkel qui sont les conséquences de l'attentat terroriste. Bon, ça c'est discutable évidemment, mais je pense que ça marque beaucoup une carrière. Et son quatrième mandat, donc qu'elle obtient justement en 2017, la place donc dans la plus longue période politique en tant que leader en Allemagne. C'est vraiment comparable au tchatcherisme pour moi, dans le sens où elle a été leader, il y a président, mais la chancelière, incontestablement, c'est elle qui marque la politique de son pays. Et elle profite donc de ce dernier mandat, puisqu'on a appris il y a quelques semaines qu'elle ne se représenterait pas en 2021 aux élections politiques en Allemagne. Donc je pense vraiment qu'on va parler de merkelisme. Pour moi, c'est un adjectif qui va venir après. En effet, je pense que surtout en plus, elle va influencer les futurs dirigeants, les futurs chanceliers. Les candidats. Oui, les futurs candidats, parce qu'en même temps, on espère aussi retrouver plusieurs femmes qui peuvent prétendre ça. On espère aussi que ça peut influencer les Français. J'espère, oui. J'espère que c'est un exemple qui influencera Français et Françaises à venir en politique. J'espère surtout que 2022 pourra avoir une plus large candidature de femmes. Oui, indubitablement. En France, oui. Parce que sincèrement, ça serait bien. Et voire même, si je me rappelle bien, la présidente de l'Union européenne, eh bien, c'est une femme. Et je pense que c'est celle de la défense. C'est une bonne question. J'aurais pensé pas au niveau européen, mais en tout cas, présidente du FMI, c'est Christine Lagarde, donc une franco-française en plus. Et elle arrive à ce poste à bon moment. Je suis content de voir que les postes en politique s'ouvrent aux femmes. Il reste à ce qu'il y ait le même niveau de responsabilité encore. On espère aussi directement que les femmes, elles vont aussi nous prouver que hommes et femmes peuvent bien travailler en politique, mais qu'il faut faire passer d'abord, comme Angela Merkel l'a fait, l'intérêt national avant l'international. Montrer en tout cas qu'on peut prendre position sur des sujets nationaux en étant une femme et le faire bien. Plus, puisqu'elle a réussi à mettre tout le monde d'accord pour le conflit. Russo-ukrainien. À l'époque, oui, clairement. Oui, mais par contre, après, au niveau de la gestion de la crise de la Grèce, ça a été François Hollande. Oui, au niveau crise grecque, oui. Voilà. Oui. Elle a une position forte, mais Hollande a pris le leadership là-dessus. Mais c'est bien aussi qu'elle montre qu'elle est forte. Comme ça, dans un monde qui est dirigé par les hommes, eh bien, en fait, il faut montrer aussi qu'on a de la poigne. Moi, exactement. C'est comme ça que je vois. Antoine, toi, par contre, on va aller partir du côté de la télévision et du côté européen, si on peut dire, parce qu'en fait, d'après ce que tu nous as dit, ça commence par une idée européenne, mais en fait, ça finit par une... Comment ? Attends. Tu nous as dit ? Ça commence en France. Ça commence en France, mais pas... en fait, c'était une idée quand même globalement européenne pour essayer d'unifier l'Europe, pour éviter qu'il y ait une autre guerre. Oui, c'est ça, plus ou moins, dans un contexte de guerre froide, de reconstruction de l'Europe, etc., c'était pour une sorte d'unité et de rayonnement culturel qui permet vraiment de toucher le plus largement des peuples et des publics, c'est ça différent. Donc Arte, la chaîne européenne, mais qui en fait est franco-allemande, tu nous expliques ? Alors comme on l'a dit plus tôt, j'aimerais vous parler de la chaîne de télévision Arte. Donc Arte, c'est pour Association Relative à la Télévision Européenne, donc comme son nom l'indique. La chaîne a depuis sa première diffusion en 92 la vocation de proposer un contenu non pas centré sur des productions nationales, mais plutôt des productions européennes. En effet, à ce jour, pour parler des chiffres d'aujourd'hui, Arte, c'est une programmation à 85% produite en Europe, avec 40% de documentaires, 6 films par semaine, et le tout proposé en 6 langues différentes, à savoir le français, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le polonais et l'italien. Mais avant d'arriver là, il faut bien dire que le projet il est passé par de nombreuses étapes, puisqu'au commencement, c'est le constat dans les années 80 en France que l'émergence des chaînes de télévision privées vient briser en fait le monopole d'État sur le secteur. Ce qui fait que, par exemple, en novembre 1984, il y a la naissance de Canal+, qu'on connaît encore aujourd'hui, ou en février 86, France 5. Donc de là, la télévision, elle entre dans une logique de compétitivité, et François Mitterrand, qui est le président à l'époque, souhaite faire en sorte que la télévision... continue de proposer du contenu culturel aux spectateurs et pas seulement des contenus finalement compétitifs. Mmh. Et donc dans un contexte de progrès et de moyens de diffusion qui diversifient, c'est une perspective encourageante et une possibilité finalement de faire rayonner la culture européenne. C'est ça. Et française. Ah, et française, oui. Donc en août 1986, on crée la chaîne La 7, qui, dans un premier temps, ne parvient pas vraiment à répondre aux attentes de coopération internationale, puisqu'elle ne s'engage qu'une seule fois dans une coproduction avec la société londonienne Time Flies, ce qui, dans un premier temps, du coup, rend l'opinion très critique à l'égard du projet. Mais en novembre de la même année, il y a un changement d'équipe et on met en place un comité de 19 personnes qui est constitué de différentes personnalités de la télévision étrangère. Donc il y a par exemple l'allemand Eckhard Stein ou les italiens Giuseppe Rossini et Andrea Melodia. Et le 23 mars 1987, on conclut un accord entre la 7 et la ZDF où travaille comme producteur Eckhard Stein qui établit pour 3 ans des objectifs communs centrés autour de partage de frais au niveau de la création et... une multitude d'accords similaires sont conclus avec des acteurs européens dans les mois qui suivent. Ce qui fait que de la même année, on diffuse des programmes qui témoignent de cette volonté européenne et pas uniquement française, pas uniquement nationale. Donc des programmes qui abordent par exemple comme sujet le 750e anniversaire de la ville de Berlin. Ce qui fait qu'à l'été 1987, on a un sondage de Médiamétrie qui indique que 40% des personnes qui connaissent la chaîne ont une image européenne de cette dernière, ce qui vient casser avec... ce que les gens pensaient de la chaîne dans un premier temps, puisqu'elle n'avait pas vraiment mis en place de projet strictement européen. Et un peu plus d'un an plus tard, fin 88, la 7 se retrouve avec un stock de programmes étrangers qui constitue 22% du stock total, donc c'est une belle progression par rapport à, disons, la chaîne qui pataugeait peut-être un peu au début. Alors maintenant qu'on a parlé brièvement de la 7, on revient un petit peu en arrière au moment du 48e sommet franco-allemand qui s'est tenu en octobre 1986, durant laquelle la France et la République fédérale d'Allemagne entendre faire de la collaboration franco-allemande le fondement d'une chaîne à portée européenne. Et c'est là qu'on revient sur ce que tu disais plus tôt, Michael, sur le fait qu'Arte est aujourd'hui surtout perçu comme une chaîne franco-allemande. Franco-allemande, oui, parce que quand on voit un petit peu aussi la présentation des programmes, ils le mettent en français et en allemand. Ils changent tout de suite. Donc c'est pour ça que même dans les documentaires, on a en effet les titres quand ils disent Réalisépar, on a aussi le Réalisétet. Doublé en direct en texte, oui. Voilà, donc en fait, dans la chaîne Arte, c'est plutôt assez, je suppose, une chaîne pour essayer aussi de maintenir la paix en Europe. C'est ça, une sorte d'unité. Entre les deux belliqueux, entre les deux anciens belliqueux, quoi. La rivalité vraiment forte qu'on a pu constater dans les années précédentes, c'est ça. Mais de toute façon, historiquement, je vais y revenir plus tard, c'est déjà une formation vraiment Arte franco-allemande. Donc oui, j'en étais au moment de la négociation pendant le 48e sommet franco-allemand entre la France et l'Allemagne qui, dans les faits... se heurte en fait à un problème juridique. C'est-à-dire que pour signer l'accord entre la France et l'Allemagne pour mettre en place cette chaîne interétatique, eh bien, il faut savoir que comme l'Allemagne est un gouvernement fédéral, on a en Allemagne le gouvernement fédéral qui est en charge de signer les traités entre États, mais c'est les États, enfin les Länder, qui sont eux... en charge de s'occuper de la mise en application chez eux. Et de l'audiovisuel, en fait. C'est eux qui touchent la redevance, qui financent. Donc, c'est eux, en fait, qui veulent avoir la main. Et c'est un peu perçu comme de l'ingérence que l'État fédéral veuille signer un traité sans laisser intervenir... les Länder. Les Länder, c'est ça. Mais au final, comment le chancelier Helmut Kohl, si au début, il ne veut pas laisser... les lenders s'immiscer dans le contrat pour éviter de laisser l'impression que le pouvoir fédéral fléchit, finalement, il finit par céder en septembre 90 au moment du 56e sommet franco-allemand et on parvient à signer un accord le 2 octobre 1990, donc la date était importante puisque c'est la veille de la réunification allemande, ce qui n'est pas vraiment un hasard puisque l'idée en fait c'était de ne pas avoir à renégocier plus tard avec les lenders nouvellement inclus pour éviter justement tous ces tracas administratifs, on peut dire. Oui, on a pas le mal à le croire. Voilà. C'est ça. Donc, de cet accord, on définit un cadre juridique qui permet la création d'une société de télévision commune et indépendante à vocation culturelle et européenne, ayant son siège à Strasbourg, ci-après dénommée chaîne culturelle européenne. Donc, dans les faits, l'accord se concrétise en 1991 avec la création d'Arte, dont le siège commun est installé à Strasbourg et qui est soutenu par deux structures, la 7 dont on a parlé plus tôt. Pour la France, c'est Arte Deutschland qui est l'association de deux chaînes de télévision allemande. Et si dans l'idée on souhaite faire en sorte que les participations françaises et allemandes soient paritaires, La France, elle, s'appuie énormément sur sa diffusion satellite, ce qui fait que beaucoup de Français ne sont pas en mesure, à l'époque, de recevoir la chaîne, puisque diffusion satellite, c'est encore assez compliqué, pas forcément démocratisé comme ça peut l'être aujourd'hui, même si aujourd'hui, c'est plus vraiment le satellite non plus. Mais... C'est ça. Donc en décembre 1991, la chaîne La 5, dont on avait parlé plus tôt, en fait, elle dépose le bilan, ce qui permet de libérer sa fréquence hertzienne, et donc de diffuser par le câble et de toucher encore davantage de spectateurs. Bon, alors, merci beaucoup pour pour Arte. Alors, il est vrai que Arte, si vous souhaitez savoir ce que c'est, vous n'avez qu'à regarder, parce que le canal, il est assez riche. Et sincèrement, si je me rappelle bien, Arte, c'est juste après quelle chaîne sur la TNT ? Alors... Sur la TNT, c'est une bonne question. C'est après M6, donc c'est à 7, donc voilà. Alors, nous allons faire une petite courte pause musicale et nous allons revenir juste après pour l'actu story. So kann es weitergehen. Das hier ist Sommer. Schlangen stehen, wenn Cabrios oben ohne mit fetten Beats ihre Kreise drehen, wenn wir unsere Sonnenbrillen mit zum Schlafen gehen abnehmen, das ist die geilste Zeit im Leben. Et vous êtes de retour sur Fadjet 94.2 FM avec l'émission Histoire d'en parler. Maintenant, c'est au tour de l'actu historique et c'est moi qui vais vous emmener en Asie du Sud-Est, au Cambodge, où des historiens australiens de l'Université de Sydney ont fait de nouvelles découvertes sur l'Angkor Wat, cette capitale de l'ancien empire Khmer qui a duré jusqu'en 1450 et des poussières. Jusqu'à aujourd'hui, les historiens avaient cru que la cité avait disparu suite à un effondrement à cause d'une invasion étrangère ou à cause d'un environnement climatique qui n'était plus du tout propice. Or, les nouvelles recherches australiennes révèlent que la cité aurait été abandonnée par ses habitants petit à petit. Alors, pour en arriver à ces résultats, ils ont mené des analyses approfondies sur des restes de pollen et de charbon qu'ils ont recueillis des douves de l'ancienne cité. C'est assez étonnant, puisque ces traces de charbon présentes, ainsi que le pollen, révèlent qu'entre le 11e et le 12e siècle, la cité était entourée de plaines agricoles. Selon les chercheurs australiens, ce qui a causé en fait le départ des habitants petit à petit, ainsi que des élites, c'est en fait le fait que le système d'irrigation et de drainage était laissé à l'abandon. Alors, d'un système réputé excellent et voire même novateur, il est laissé à l'abandon et donc à la merci de tous les problèmes climatiques. Environnementaux, oui. Comment ? Je vais me contenter de commenter, de dire oui, à la merci de l'environnement. Oui, à la merci de l'environnement. Donc, ce ne sont donc pas les inondations, comme on pouvait le croire, et ces inondations du XIVe siècle qui auraient contribué au déclin, mais l'abandon de la ville par ses habitants elle-même. Les questions que se posent maintenant les chercheurs, après ces nouvelles révélations, c'est de savoir si la cité avait atteint ses limites de développement, puisqu'en réalité, le système de drainage et d'irrigation était performant, mais on se demande si en fait la cité n'avait pas trop grandi et avait atteint ses limites développement urbain, et aussi pourquoi ces élites sont allées voir ailleurs. Alors ça, on va attendre les résultats. Ensuite, on va partir un petit peu du côté ouest, on va s'arrêter en Égypte, et non pas au Caire avec les pyramides de Gizeh, mais non, on va aller à Alexandrie. Et alors, c'est en fait la ténacité et le courage d'une archéologue grecque qui a fini par payer. Calliope Limeos Papakosta a découvert dans les jardins de Chalalat d'Alexandrie un morceau de marbre blanc. C'était en fait une statue de l'époque romaine qui portait toutes les caractéristiques d'Alexandre le Grand. Cette découverte, c'était il y a 7 ans. Aujourd'hui, en plein dans le centre-ville d'Alexandrie, eh bien en fait, directrice de l'Institut de recherche hellénique sur la civilisation alexandrine et 10 mètres sous terre sous la cité d'Alexandrie, le quartier royal de la ville antique est révélé. Mais l'excitation, lui par contre, est à son plus haut. Car le réel objectif de ses recherches est depuis près de 14 ans mené par cette historienne grecque, par cet archéologue grec, excusez-moi, c'est en fait de retrouver le tombeau perdu d'un roi grec d'origine macédonienne qui a vécu de -356 à -323 avant Jésus-Christ et qui était Alexandre le Grand. Ce grand roi qui fait mettre à genoux les empires de Perse et de Babylone ainsi que d'Égypte et qui a fondé et donné son nom à la ville d'Alexandrie, son tombeau était recherché depuis la fin du 19e siècle. Donc, s'ajoute à cela, la reconstitution du voyage d'Ulysse dans l'Iliade d'Homère, la recherche de la cité perdue d'Atlantide et la cité de Troie. Le tombeau perdu d'Alexandre le Grand s'ajoute donc aux nombreuses expéditions archéologiques et historiennes de la civilisation grecque. Vénéré comme un dieu, la tombe du roi grec était passée à Memphis avant d'être installée à Alexandrie et définitivement perdue lors de la montée des eaux et de l'enterrement de l'ancienne ville pour le développement de la nouvelle. Avec les nouveaux moyens technologiques contemporains, les recherches ont révélé une voie romaine et les vestiges d'un gigantesque édifice public. Nous attendons donc les suites avec impatience. Enfin, je vais vous parler d'autre chose et qui se déroule en ce moment, puisque demain c'est Mardi Gras et avant Mardi Gras, après Mardi Gras, on va dire, entre Carême et la Pâque, c'est le moment des carnavals. Et la vocation première d'un carnaval, c'était la liberté et l'imagination et la subtilité dans le message qu'il souhaitait faire passer. D'une fête païenne pratiquée 2000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie, à une tradition chrétienne dont le plus ancien carnaval est daté de 1094 selon l'édit de la République vénitienne. Le carnaval est un moment de pause où tout le monde peut se moquer aisément de la société et de ses politiques. Les Romains avaient eux par contre organisé une série de rituels païens liés aux astres ou aux étapes de l'année. Entre le XIIIe et le XVe siècle, c'est la fête des fous qui est organisée par l'Église afin de mimer la société à ses travers, à travers donc des bouffons, des cantiques ou encore des mascarades réunies en cortège dans toutes les villes. Pour l'Église catholique, le carnaval s'aligne entre le Carême et Pâques à partir du 8e siècle, puisqu'il fallait donc créer le calendrier chrétien. Et entre le 11e et le 13e siècle, la campagne européenne se remplit de festivités carnavalesques contrôlées et autorisées par l'Église, dont Halloween en Irlande ou encore la célébration de la Saint-Nicolas, que l'on connaît tous aujourd'hui, qui se fait le 6 décembre, si je me souviens bien. Mais ça dépend des régions, ça peut être dès fin novembre dans certains cas. Voilà. On se rappelle que des bonbons. Oui. Oui, c'est ça. Ou la fête de Saint-Étienne dans d'autres contrées européennes. Les cultures latino-américaines, notamment Caraïbes et Antilles, ont organisé récemment leur carnaval. Et ils ont des liens avec les carnavals en eux, puisqu'en fait, ils tournent en dérision la société et la politique, et ainsi que l'histoire parfois. En Asie et en Afrique, par contre, ça reste plus dur à établir puisqu'on ne sait pas du tout s'il y a un rapport avec la politique. Alors, c'est la fin de cette émission d'Histoire d'en parler. Donc, on espère que cette fois-ci, ça vous a bien plu au niveau de l'actu historique, au niveau aussi de l'Allemagne, puisque nous vous retrouvons pour un prochain numéro aussi qui va porter sur l'Allemagne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup les garçons. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt tout le monde. À bientôt à tous.